voudrais bien voir. Ah ah, la nuit sans balai, reste là, voir encore un soir. Ah ah, la nuit sans balai, j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe, je te lasse sans parler. Ah voir la nuit sans balai, ah voir la nuit sans balai. Tu sembles planer là, comme font les rêves. J'aime qu'on parle de moi, comme font tes lèvres. La fin m'a trop dit trop peu. Tes jambes, elles me parlent de projets. Osez, ne rougis pas, nous deux. C'est ça depuis le départ. Ne me laisse pas tout seul. Attends, là, il est tard. Et puis t'as trop bu, trop de. Je suis sûr qu'il faut pas que tu rentres. Puisqu'on, puisqu'on, puisqu'on. On sait déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir. Ah, ah. La nuit sans balai, j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe, je te lasse sans parler. Ah, voir la nuit sans balai. Ah, voir la nuit sans balai. T'es déjà, on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit sans balai. Reste là, voir encore un soir. Ah, ah, la nuit sans balai. J'aime ton sourire. Des heures qu'on passe, je te lasse sans parler. Ah, voir la nuit sans balai. Ah, voir la nuit sans balai. On pourrait rester là, tant que passent les jours. Toi qui parles bas, moi qui parle court. La jambe est trop dit ou trop peu, et les mots longueurs. Mais c'est pas ma faute si t'es tellement jolie. Oli, ne te cache pas, elle laisse ta peau prendre l'air un peu. Ne rougis pas, elle voudrait bien refaire un peu. Jamais fatigué de nos jeux. Mais ça si tu oses. Puisqu'on, puisqu'on, puisqu'on. On sait déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit sans balai. Reste là, voir encore un soir. Ah, ah, la nuit sans balai. J'aime ton sourire. Des heures qu'on passe, je te lave sans parler. Ah, voir la nuit sans balai. Ah, voir la nuit sans balai. On sait déjà qu'on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit sans balai. Reste là, voir encore un soir. La nuit sans balai, j'aime ton sourire. Des heures qu'on passe, je te lave sans parler. Ah, voir la nuit sans balai. Ah, voir la nuit sans balai. Somebody.